Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose cette semaine de redécouvrir une série d'émissions sur le philosophe Hegel, enregistrée en avril 2018. Aujourd'hui, la mort de l'art. Nous sommes bien là, ce matin, pour vous, et en compagnie du philosophe Georg Wilhelm Friedrich Hegel, né en 1770, mort en 1831, à propos duquel Maurice Merleau-Ponty disait « Il est à l'origine de tout ce qui s'est fait de grand en philosophie depuis un siècle ». Pourquoi voir petit quand on peut voir grand? Allez en route sur les chemins qui, cette semaine, seront hegéliens aux joies. Bonjour Bruno Haas. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Hegel n'était pas un grand mélomane, mais il aimait écouter Rossini. C'était difficile de ne pas lui faire ce clin d'œil en commençant avec le final de l'ouverture de Guillaume Tell. Oui, c'est vrai. Bon, il n'était pas un grand connaisseur de la musique. C'est la partie qu'il connaissait sans doute le moins bien. Mm-hmm. Mais quand même. Quand même, et il aimait le bel canto italien. Alors cet opéra a été créé en 1829, 2 ans avant la mort de Hegel. Il amène sa dimension, disons, impériale qui caractérise à bien des égards la philosophie de Hegel dont on va parler cette semaine. Vous enseignez la philosophie et l'histoire de l'art à l'université de Dresde. Vous êtes venu aujourd'hui en studio pour nous parler de Hegel, on vous en remercie. Vous êtes aussi membre de l'école doctorale de Paris 1. Et lorsqu'on vous a invité pour commencer cette semaine sur Hegel, vous avez dit vouloir parler de l'esthétique et surtout parler de cette idée phare chez Hegel, qu'on va essayer de comprendre, on a une heure pour la comprendre, qui consiste à dire ceci, que l'art, tel qu'on le connaît, l'art est mort. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour Hegel? Bon, alors, avant tout, ce résumé, l'art est mort, les termes ne sont pas dans les textes hegeliens, il a dit un peu autrement, il a dit l'art appartient au passé. C'est quelque chose de passé, mais bon, c'est pas pareil, vous avez toujours raison. C'est pas pareil, mais après, il y a des interprètes qui ont utilisé cela pour dire que finalement, non, Hegel, il a pas voulu dire que l'art est mort, c'est pas si grave que ça. Alors que normalement, c'est mieux de le lire d'une façon grave. Adorno l'a fait, par exemple, aussi. Quand on dit que l'art, c'est du passé, ma foi, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est quelque chose qui est de l'ordre du passé. Or, bonne ou mauvaise nouvelle, ça c'est pas tellement la question, c'est une analyse. Et Hegel est très très proche toujours, on le méconnaît souvent, vraiment des réalités. Ce qu'il est en train de décrire, c'est la naissance du musée. La fin de l'art, c'est la naissance du musée. Voilà, oui. C'est la naissance du musée, c'est ce qui se passe à la fin du XVIIIe siècle. L'art est pour la première fois considéré comme une chose qui finalement n'a plus de fonction dans la vie. Et donc, on construit des maisons pour des choses qui n'ont pas de fonction dans la vie, qui, si vous voulez, qui servent à rien. N'est-ce pas? L'art ne sert plus à rien. Ça n'a pas de fonction dans la vie. D'ailleurs, on pense, à ce moment-là, on pense peut-être plus au statut grec et latine. Winckelmann vient de publier ces choses. Donc, on pense peut-être pas encore autant à l'art contemporain de ce temps-là, mais à l'art du passé. Mais cet art du passé qui se trouvait dans les parcs des châteaux sous la pluie, ben on commence à les sortir des parcs et à les mettre en musée. On commence tout lentement aussi à enlever les bras qu'on avait ajoutés, vous voyez, les têtes et tout ça, pour compléter des statues fragmentaires. Et on commence à dire, ben voilà, ce sont des œuvres d'art. Elles servent à rien, mais il faut les mettre en musée. Et à partir de là, on voit bien que la mort de l'art, donc le fait que l'art n'a plus de fonction dans la vie, ça, c'est quelque chose qui est hors la vie, eh bien, il y a un lieu qui se crée quand même pour ces choses qui n'ont plus de sens, plus de raison d'être. Et cette chose qui se crée, c'est une institution qui s'appelle le musée et qui est une institution bizarre. C'est une hétérotopie, n'est-ce pas? C'est un endroit où on met des choses qui appartiennent plus à la vie. Et ce qui est bizarre, depuis ce moment-là, c'est qu'on y va. On n'en est pas sorti. Oui, on y va au musée, mais on n'en est pas sorti non plus. Mais alors, on pourrait dire que le musée est au contraire le début de l'art, car enfin, ces œuvres d'art sont accessibles à tous. Avant, seule une certaine partie de la population pouvait y accéder. Grâce au musée, tout le monde peut s'y rendre et tout le monde peut voir les œuvres d'art. Oui, absolument. Le musée, c'est le début de l'art et surtout le début de l'art autonome, n'est-ce pas ? De quelque chose qui porte dorénavant son but en soi et qui est évidemment une sorte, d'une certaine façon, le dernier lieu de la liberté. Peut-être le seul qui reste. Parce que les statues n'avaient pas plus de fonction quand elles étaient dans des parcs. Eh bien, si l'art est inutile dans le musée, il est aussi inutile dans les parcs et dans la rue, dans ce cas. Dans les parcs, ça décorait, n'est-ce pas ? Ça décorait, ça faisait des parcours. Bien sûr, c'était un peu futile, mais d'ailleurs, le goût des potentats européens du XVIIIe siècle, c'était des gens assez incultes, finalement. Quand on regarde un peu comment ils ont utilisé ces œuvres, c'était des gens assez incultes, malgré tout, et qui n'avaient pas forcément du très bon goût. Et ces parcs, ça a été utilisé comme objet de prestige, de représentation, de toutes sortes. Il y a des usages comme ça qui dominent, et l'idée que ça ait une valeur en soi, franchement, c'est pas très présent. C'est quelque chose qui apparaît avec Winckelmann, Goethe, dans cette génération-là, et Hegel, c'est le premier qui en fait la théorie du musée et qui découvre que quand même il y a une dimension de fin de l'art là-dedans. C'est très double, c'est une chose à double tranchant. Ce constat d'une fin de l'art, Hegel le fait dans des textes, il le fait aussi dans les cours qu'il donne, des cours d'esthétique qu'il donne à ce moment-là. Et surtout, ce constat-là s'inscrit dans une pensée plus large, qui est la pensée de Hegel sur l'esthétique en général. Il a une conception de l'esthétique qui est ce qu'on pourrait appeler téléologique, à savoir que l'histoire de l'art suit un but, et la fin de l'art s'inscrit dans une démarche qui est celle de l'esprit, qui est une forme de progrès de l'esprit qui se ressaisit lui-même, qui est donc inéluctable pour l'art. La fin de l'art est inéluctable pour l'art lui-même et nécessaire à l'avènement de l'esprit. On va entendre un texte ensemble, un texte qui signifie justement ce qu'est cette fin de l'art, pour que vous puissiez nous dire, Bruno Haas, comment ce constat-là s'inscrit dans la réflexion proprement philosophique et esthétique de Hegel sur l'art. Voici ce texte, c'est Georges Clès qui le lit. Si l'art a dans la nature et les domaines finis de la vie son avant, il a aussi son après, c'est-à-dire un cercle qui le dépasse dans l'appréhension et la représentation de l'absolu. Car l'art porte en lui-même sa limitation, aussi fait-il place à des formes plus hautes de conscience. En général, dans le développement de chaque peuple, il arrive un moment où l'art ne suffit plus. L'après de l'art consiste en ce que l'esprit est habité par le besoin de se satisfaire lui-même, de se retirer chez lui dans l'intimité de la conscience comme dans le véritable sanctuaire de la vérité. L'art, en ses débuts, laisse encore une impression de mystère et de secret, de regret, parce que ses créations n'ont pas présenté intégralement à l'intuition sensible leur contenu dans toute sa richesse. Mais lorsque ce contenu entier trouve dans l'art une représentation entière, l'esprit, qui regarde plus loin, se détourne de cette forme objective, la rejette, rentre en lui-même. Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie, et un texte de Hegel qui vient de nous annoncer que l'art était fini car il porte en lui-même sa limitation. Ce sont ces mots. Mais Bruno Haas, il faut préciser d'emblée que ces mots, on les trouve dans le recueil, le texte, le livre de Hegel qui s'appelle Esthétique, mais celui-ci n'a pas été proprement écrit par lui. Il est le résultat des notes que ses étudiants prenaient pendant ses cours de 1818 à 1829. Oui. Ce qui change beaucoup de choses pour vous. Ça change, oui, ça change beaucoup de choses. En fait, ce que nous connaissons comme œuvre de Hegel et qui remplissent une vingtaine de volumes, ça contient pour la plus grande part des éditions posthumes. Et Hegel a écrit une logique, la phénoménologie de l'esprit, l'encyclopédie, la philosophie du droit, et après quelques écrits moindres, et tout le reste sont des éditions posthumes. C'était ses conférences à l'université, l'histoire de la philosophie, la philosophie de l'histoire, la philosophie de la religion, la philosophie de l'art, qui sont, enfin, la philosophie de l'art, c'est un très grand volumes, n'est-ce pas, plus de 1000 pages. Et ça, c'est une édition qui a été faite par un élève après la mort de Hegel, sur la base de quelques notes de cours qu'il avait, mais qui étaient très courts, qui couvraient pas 1000 pages du tout. C'était peut-être un dixième. Et après, il avait les notes de cours des différentes années. Et de ça, il a composé une esthétique. Alors maintenant, on est en train d'éditer. D'ailleurs, ils y sont. Je viens de recevoir l'édition du dernier cours, parce qu'on a trouvé les notes de cours des élèves. Enfin, pour certains, pas tous, mais en fait, pour les quatre cours qu'il a donnés, on les a. On a des notes de cours et ça a été édité. Et maintenant, on a l'impression d'avoir le texte lui-même. Or, des notes de cours, c'est pas la même chose qu'un texte de maître. On voit bien dans ces notes de cours que les étudiants comprennent de travers, qu'ils ont du mal, évidemment c'est plus court que le discours de Hegel lui-même, puisqu'on n'arrive pas à écrire mot par mot, et il y a beaucoup de contresens dedans, etc. On peut pas s'appuyer dessus comme sur un texte publié. Mais c'est ce qu'on fait en classe de philosophie, en France en tout cas, hein. Vous savez, on étudie ces textes de Hegel, et la tripartition de l'histoire de l'art selon Hegel, oui. L'art symbolique jusqu'à l'art romantique, en s'appuyant sur ce corpus de l'esthétique. Oui, oui, oui. Il est vrai que les grandes subdivisions, etc., évidemment ça s'est documenté largement, et là il n'y a pas de problème, mais dans l'élaboration, dans l'argument, dans le détail, il y a énormément de problèmes. Et en fait, comme souvent, les grands philosophes, c'est désagréable, mais en fait, ça demande vraiment des années d'études avant de pouvoir en faire quelque chose de vraiment vivant et de vraiment intéressant. Moi-même, j'ai mis de longues années, même après ma thèse. En fait, j'ai pas compris l'esthétique quand j'ai écrit ma thèse. Je dois le dire aujourd'hui, je l'ai comprise après. À force de faire des cours et de relire la logique, de relire la... Mais c'est étonnant, etc. Ce que vous dites, parce que l'esthétique est pourtant un des textes les plus accessibles de Hegel. Parce que, disons-le quand même, là, vous parlez de la phénoménologie de l'esprit, les principes de la philosophie du droit, ce sont des textes très difficiles à lire, jargonnants, avec des mots qu'on n'a jamais lus avant, des structures de phrases incompréhensibles. Quand on ouvre l'esthétique, on se dit « enfin !» Tout est clair, tout est limpide. Oui, c'est ça. Et ça, c'est vraiment l'apparence, elle trompe. Il faut vraiment le dire. Et il est vrai que pour certaines choses, bon, on a une entrée, ça aide. Mais si on veut vraiment comprendre ce qu'il y fait, franchement, ça c'est une autre chose. Bon, vous allez nous y aider aujourd'hui quand même. Ben, je vais essayer. Alors, le texte qu'on a entendu, du coup, est-ce qu'on peut le prendre au sérieux quand même, ou est-ce que vous dites non, ce sont que des notes d'étudiants et non, ça ne vaut rien? Non, on peut le prendre au sérieux, mais pour le comprendre, il faut reprendre le dossier du début. Alors, allons-y. Eh oui. Allons-y. Alors ça, vous avez un gros dossier devant vous d'ailleurs. Oui. Il nous reste 40 minutes. Hein. Oui, je vois bien. Premièrement, ce qu'on apprend à l'école, c'est qu'il y a trois formes de l'esprit absolu, l'art, la religion et la philosophie. Et après, on apprend, il y a un passage, n'est-ce pas? On passe de l'art à la religion et finalement à la philosophie. Après, Hegel, il a dit que l'art est morte, l'art est mort, mais la religion, non. On ne sait pas trop pourquoi, n'est-ce pas? Finalement, ça pourrait mourir aussi, peut-être. Et voilà, c'est ce qu'on apprend. Et pourquoi l'art est mort, d'ailleurs? On dit toujours, oui, parce que l'art, c'est l'expression sensible, c'est seulement... Et finalement, il faut dépasser les sens, n'est-ce pas? Il faut devenir esprit. Et si vous regardez la thèse telle qu'elle, elle est quand même un peu ridicule, n'est-ce pas? C'est ringard de dire qu'il faut dépasser les sens. Enfin, je dirais, après Merleau-Ponty, par exemple, on a peut-être une autre perception des sens. Pourquoi est-ce qu'il faut les dépasser? Enfin, c'est pas, peut-être pas tellement dépassable, etc. Donc, il y a quand même un côté vraiment ringard dans cette thèse. Et je crois que c'est l'effet qui arrive quand vous faites un enseignement universitaire. Et il faut vous exprimer d'une façon compréhensible. Donc, Hegel, dans ses cours, il se rend déjà un peu au niveau de ses étudiants. Et les étudiants, ils rendent une pensée encore allégée par rapport à ça. Et donc, c'est ça qui finit par sortir, cette sorte de carcasse de pensée. Or, la pensée hegelienne, elle est vraiment beaucoup plus complexe. Je vous explique avec un exemple. On nous a dit, donc Hegel nous dit que l'art, la religion et la philosophie, c'est l'esprit absolu. Or, le terme absolu, c'est un terme qui est traité dans la logique. Il y a un petit chapitre qui s'appelle l'absolu. Si vous le lisez, vous vous rendez compte que, franchement, vous êtes très étonné. Ce qu'il raconte dans ce chapitre-là, c'est pas du tout ce qu'on attendrait, n'est-ce pas? On dirait, l'absolu, maintenant, il va nous parler de Dieu, enfin des choses absolues, dans un sens un peu emphatique, alors que c'est très technique. Et d'ailleurs, on comprend rien. Et vraiment, franchement, c'est des années d'études. C'est rassurant de vous l'entendre dire. C'est très, très technique, tout ça. Bon, maintenant, quand il dit l'esprit absolu, c'est un terme technique. Et ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de l'encens ou quelque chose comme ça. Et c'est un terme technique qui distingue une partie de l'esprit de ce qu'il appelle l'esprit objectif. Donc, il va y avoir question de l'esprit objectif dans une autre séance, je crois. Mm-hmm. N'est-ce pas ? C'est le droit, l'État. Ça, c'est objectif. Alors que l'art, la religion et la philo, c'est absolu. Et il faut les voir comme des termes techniques. C'est-à-dire, ce sont des activités spirituelles qui ont un fonctionnement structurellement différent. Alors, quelle est la différence, d'une certaine façon, pour le dire en un mot ? Un État, ça peut se renverser, ça peut disparaître, n'est-ce pas ? Ça doit se défendre, ça se défend plus ou moins bien, et un jour, c'est fini, n'est-ce pas ? Et un jour, c'est un autre État qui s'imposera, l'histoire continue. Or, l'art se comporte autrement, n'est-ce pas ? Évidemment, on peut détruire une œuvre d'art, mais on se rend bien compte que l'art, je ne sais pas, grec, par exemple, qui est issu d'une religion depuis longtemps oubliée et passée, eh bien cet art, il reste valide d'une certaine façon. Vous voyez, il reste valide quand on a des circonstances minimales de conservation, tout homme, tout être humain peut avoir un accès à ça. Et c'est-à-dire, ça se comporte autrement. Ça se comporte pas d'une façon guerrière, n'est-ce pas ? Quelque chose qui est objectif, une chose objective doit se défendre, elle, d'une certaine façon, elle fait structurellement la guerre, n'est-ce pas ? Elle essaye de se maintenir dans l'existence contre d'autres objets qui sont concurrents et ça dure un certain temps, et puis jusqu'au moment où ça se termine. Ça, alors, c'est l'État, par exemple. Ça, c'est l'État, ouais. Oui. Tout ce qui est objectif est dans l'existence et par conséquent, fini. Mm. C'est quelque chose de fini, c'est la finitude. Mm. Tout objet est dans la finitude. L'État est dans la finitude. Or, l'art, ça se voit, je dirais, c'est une observation empirique. L'art, finit pas. L'art, c'est quelque chose qui finit pas dans la mesure où, vous voyez, quand on est un humain et qu'on approche une grande œuvre d'art, eh bien, on peut la laisser être. Ce n'est pas quelque chose qui... Ça ne nous prend pas d'assaut, ça nous laisse libre. Le rapport à l'art a un côté extrêmement libéral dans ce sens-là, n'est-ce pas ? C'est alors, quelque chose, et d'ailleurs, qui est aussi accueillant. L'art est accueillant par définition, n'est-ce pas ? Alors pourquoi dit-il que l'art est fini, si l'art n'a oui, pas de fin ? Oui, alors, tout à fait, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, c'est complètement absurde de dire qu'une chose absolue peut être finie, n'est-ce pas ? C'est une contradiction dans l'adjectif. Évidemment, Hegel, qui est le maître des contradictions, il sait très bien ce qu'il fait, hein, évidemment. Mais il a fait une découverte, justement, il a dit, voilà, cet art, comme c'est de l'absolu qui est fini, qui est passé, l'être passé de l'art est son mode d'être, n'est-ce pas ? Le passage par rapport à l'art, le fait d'être passé, c'est un mode d'être. Il y a des choses qui existent en tant que des choses passées, et qui ont d'ailleurs... un présent, n'est-ce pas, qui et même peut-être un futur, n'est-ce pas. Ce sont des choses qui peuvent même avoir, si vous voulez, qui nous demandent quelque chose, n'est-ce pas. Tant que nous sommes dans un pays dans lequel il y a de l'art, et cet art, il nous demande quelque chose. C'est une demande humaine, n'est-ce pas. C'est-à-dire, cet art nous demande un pays où on peut vivre. Il nous demande une humanité. N'est-ce pas ? Si quelque chose nous demande une humanité, c'est bien l'art. Et l'art peut le faire, et ça c'est vraiment étonnant, il peut le faire en étant quelque chose de l'ordre du passé. Mais c'est un être passé, avec un tiret, qui existe. Ça veut dire que notre humanité se trouve en partie dans le passé, dans ce geste de conservation de quelque chose qui a été. Oui, oui, oui, tout à fait. Mais le geste, c'est-à-dire... Oui, tout à fait, dans un rapport au passé. Oui, il y a là un rapport au passé. Et d'ailleurs, ce rapport au passé, maintenant, on pourrait imaginer, ça veut dire qu'il faut maintenir notre patrimoine. Mmh. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est que quand vous êtes un artiste contemporain et vous faites de l'œuvre, des œuvres d'art, aujourd'hui, c'est très curieux, quand on fait des œuvres d'art aujourd'hui, on les fait pour le musée. Je le dis d'une façon un peu provocante, je sais bien que parfois... Non, il y a des artistes qui proposent des œuvres qui vont aller dans les lycées, qui vont aller sur des places publiques, qui vont aller dans des endroits publics, qui ne sont pas le musée. Il y a... Oui, oui, tout à fait. Et il y a même de l'art qui essaye de sortir du musée, le land art. Puis il y a la musique ne s'écoute pas dans un musée, la musique et le cinéma, enfin, il y a les bandes dessinées, enfin, il y a beaucoup d'art qui sortent des musées. Oui, il y a de l'art qui sort du musée, mais l'art a toujours un rapport au musée. Vous savez, même quand il est dehors, j'aime bien donner des exemples un peu extrêmes, comme par exemple le land art, qui est vraiment pas au musée. Ça c'est l'extrême. Ça va dans le désert. Et puis on fait quelque chose et c'est pas dans le musée. Or, ces œuvres-là, qu'est-ce qui les fait exister? Finalement, c'est quand même l'institution culturelle qui est, en dernière conséquence, le musée. Qui les fait exister. Vous savez, on les connaît pourquoi ? Parce que ça a été montré dans des expos, avec des belles photos par exemple, ou dans des publications d'art qui sont liées à l'institution, quoi qu'on dise. C'est-à-dire, cette institution muséale reste, on pourrait dire, un point de référence pour l'activité qui s'appelle activité artistique. Ça vaut aussi pour la musique. Hein. La musique ne se fait pas au musée, mais ça se fait en salle de concert, avec toute une organisation institutionnelle qui va avec et qui est liée à la structure du musée, n'est-ce pas ? On a du mal à s'imaginer comment il pourrait en être autrement, tant aujourd'hui notre rapport à l'art est institutionnel, y compris dans le cas de la musique. Et une des grandes vertus du texte de Hegel sur l'esthétique est justement de nous rappeler comment il en allait avant, comment le rapport de l'homme à l'art était différent. Je vous propose qu'on écoute un autre extrait qui parle cette fois-ci de ce qu'on a appelé le système des arts et qui revient sur la différence, par exemple, entre l'architecture, la musique et puis la poésie. On a une véritable classification des arts qui montre comment s'engage au sein de chaque art et au sein de chaque période un rapport différent entre l'homme et l'œuvre. Écoutez. L'architecture est l'art le plus pauvre quant à l'expression des idées. La sculpture est déjà plus riche. Tandis que le domaine de la peinture et de la musique peut s'étendre de la manière la plus vaste. Avec l'idéalité croissante des matériaux extérieurs et leur caractère plus complexe, plus varié, augmente la multiplicité des idées et des formes qu'ils sont susceptibles de recevoir. Or, la poésie s'affranchit de cette prépondérance des matériaux. Elle est l'art universel. Capable de façonner, d'exprimer dans n'importe quelle forme un sujet quelconque, pourvu qu'il soit susceptible d'entrer dans le domaine de l'imagination. Et cela parce que son élément propre est l'imagination elle-même, cette base générale de toutes les formes de l'art et de tous les arts particuliers. Ils m'ont dévoré, les artistes, renversé. J'ai plus de défense. Même un ticket de métro joliment plié, ça m'émeut. Il serait pas temps que t'envisages ta retraite, Alain ? Ma retraite ? Mais où ça ? Loin d'ici, à la campagne. À la campagne ? Quand on est resté pendant des années devant Courbet, Degas, Miro, Chiricot, tu crois qu'on peut regarder une poule ? Un paysage ? Un buisson ? C'est du toc, la campagne ! De l'art mal copié ! Je ne veux pas finir gardien de campagne. T'as vu qui visite ? Des ploucs ! Avec des tracteurs ! Des dentistes ! Qui retape des fermes ! Oui, mais il faut reconnaître que depuis qu'on alterne art, mammouth, art, il y a du mieux quand même. Les mammouths nous ont changé la vie. C'est-à-dire le mammouth, esthétiquement, n'est pas nocif. Et puis rien, mais alors rien de commun avec une Vénus dénudée ou les divines mamelles de la Vierge. Jusqu'au jour où on les trouvera beaux ! On commence pas, là, hein ? J'en ai tellement vu de merde qui sont devenues des merveilles. Attention, ça n'est pas la faute de l'œuvre d'art. C'est toujours nous qui décidons que c'en est une. Comment s'accommoder de la fin de l'art ou de l'idée même que l'art puisse être une chose du passé ? Eh bien, chacun fait comme il peut, y compris le gardien de musée du film Muséo, Musée Bas, comédie de Jean-Michel Ribes, interprété par Fabrice Luchini, qui ne conçoit même pas une seconde qu'il puisse trouver belle Une œuvre qui ne soit pas une œuvre d'art, justement, l'idée de contempler une poule ou un buisson lui donne envie de vomir, et pourtant, il reste convaincu que c'est dans le musée que tout pourra se passer. Alors, Bruno Haas, on a ici une autre hiérarchie que celle qu'évoque Hegel dans le texte, hein, entre architecture, sculpture et poésie. Il y a tout simplement la hiérarchie entre le beau artistique et le beau naturel. Pour Hegel, le beau artistique reste quand même supérieur. En fait, d'une certaine façon, c'est le problème de Hegel n'est pas là, il est vraiment ailleurs. Il n'a rien contre le beau naturel, sauf qu'il ne fait pas de science sur le beau du naturel. Il fait quelque chose qui s'appelle, au fond, une philosophie de l'art. En fait, le titre esthétique, il commence la conférence en disant que ça s'appelle esthétique aujourd'hui. C'est un titre qui s'est avéré, enfin, qu'on utilise. Mais en fait, c'est la philosophie de l'art. Et la philosophie de l'art, c'est pas une théorie du beau. Comme on l'entend, n'est-ce pas? C'est une théorie du beau, mais dans un sens bien différent. Avant tout, c'est une théorie sur le sens, sur la construction du sens, sur un certain type de sens. Et donc, ça parle de signes. La philosophie de l'art, c'est une théorie du signe et des effets performatifs du signe. De ce qui existe sur cette terre seulement parce qu'il y a des signes. Il y a plein de choses qui n'existeraient pas s'il n'y avait pas de signes. Une de ces choses assez connues, c'est par exemple la mort. L'angoisse de la mort, la mort comme objet auquel on peut penser et avec lequel on peut faire quelque chose, n'existerait pas si on ne parlait pas. C'est un effet performatif du signe. On n'aurait pas peur de la mort si on ne parlait pas? Non. Si on ne pensait pas ou si on ne parlait pas? C'est la même chose. Oui, on n'arrive pas bien à penser sans parler. C'est pas on parle avec soi-même quand on pense. C'est-à-dire, il y a la mort, d'ailleurs, même la vie. On n'aurait pas vraiment de rapport à la vie si on ne parlait pas. Donc, comme les animaux, en fait. Oui. Enfin, d'ailleurs, les animaux, Je veux pas trop dire du mal des animaux parce que finalement je les connais pas. Non, mais loin de moi cette idée, d'en dire du mal. Mais on dit ça toujours, mais finalement qu'est-ce qu'on en sait? Oui, leur langage est peut-être nous est peut-être simplement incompréhensible. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, dans l'esthétique, et c'est ça qui rend ce texte extrêmement intéressant et difficile, et ce qui fait aussi qu'on a besoin vraiment de connaître d'autres écrits de Hegel pour aborder ce texte dans sa richesse et profondeur. C'est que en fait c'est une théorie très très complète, enfin sur la construction du sens par le signe, par les effets performatifs du signe. Et quand il dit par exemple que l'architecture est pauvre, ça veut pas dire qu'il la trouve moins bonne que la sculpture. La pauvreté de l'architecture, c'est une description structurelle d'une caractéristique qui appartient selon Hegel à l'architecture. Et moi, je tends beaucoup, et d'ailleurs, on a, en fait, là, il y a eu des discussions après la publication des notes de cours aussi, les jugements de Hegel, n'est-ce pas? Il a une réputation de juger tout, n'est-ce pas? En plus, il connaît l'esprit absolu. Alors, vous savez, quand on connaît il a forcément raison. On sait tout, n'est-ce pas? Et on peut tout juger. Or, en fait, non. Il faut vraiment le lire d'une façon très descriptive. Les jugements sont parfois de trop. Parfois, d'ailleurs, on les trouve plus tellement quand on arrive, dans les textes qu'il a écrits lui-même et dans les notes que nous avons, il est plus prudent souvent que ce qui arrive finalement au public. Évidemment, on s'accroche à ça toujours, hein, n'est-ce pas? Quelqu'un a jugé, il a dit que l'art grec c'est le meilleur, bon voilà, ça c'est Hegel, c'est un classiciste par exemple. Or que ce jugement, finalement, il a un certain sens dans une théorie, mais c'est la théorie qui est intéressante et le jugement beaucoup moins, n'est-ce pas? Ou quand il parle de l'Inde, il a beaucoup parlé de l'Inde et il dit que les Indiens, finalement, quand même, c'est confus. Alors on dit, voilà, Hegel était quand même un peu eurocentrique. Or, si vous regardez de près, vous vous rendez compte que la confusion, c'est une structure logique et elle a sa place et il y a toute une théorie derrière. Et donc le jugement vous intéresse plus, c'est l'analyse qui vous intéresse. Et c'est ça qui le rend prodigieusement intéressant. Et mal compris, sans doute. Et très mal. Oui, en effet, vraiment, vraiment. Je dirais, c'est pas un bon auteur pour l'agrégation, vous savez, parce qu'on aime bien avoir les résultats. Mais finalement, non. C'est un penseur et avec une pensée en mouvement et pas finie, en fait. Elle n'est pas du tout achevée. C'est une pensée. C'est un début de pensée. prodigieux, mais pas achevé. Enfin, comment voulez-vous ? Et pourtant, lui-même aspirait à atteindre le but de cette pensée, à montrer qu'il fallait justement arriver à ce point où l'esprit pouvait se ressaisir lui-même dans un mouvement permanent, puisque l'idée est de briser cette fixité de la compréhension et des concepts. Oui, mais vous savez, même ça, c'est une illusion. Parce que c'est l'effet qu'on a toujours, quand on lit la phénoménologie de l'esprit, après 700 pages, vraiment, on n'a rien compris, compliqué. À la fin, il dit, voilà, on arrive au savoir absolu. Alors on se dit, bon, on va avoir la solution. Or, il nous dit, le savoir absolu, en fait, c'est le chemin qu'on vient de parcourir. Mon Dieu, n'est-ce pas? Et à la fin de la logique, c'est pareil, vous avez l'idée absolue, et vous dites, enfin, bon, j'ai rien compris avant, ou que la moitié, maintenant il va me dire la solution, et il dit, voilà, l'idée absolue, c'est la méthode. Or, la méthode, ma foi, c'est, vous savez ce que c'est, la méthode, c'est la façon de se tenir en chemin. Hodos, c'est le mot grec pour le chemin, donc être en chemin. L'idée absolue, c'est une façon de rester en chemin. Voilà, c'est avec ça qu'il achève sa logique. Et derrière, il y a toute une théorie très détaillée de comment fonctionne cette méthode. Mais celle-là, si vous voulez la connaître, il faut parcourir tout et travailler. Ben on va essayer de le faire à notre façon et on va continuer à travailler ensemble. Bruno Haas, je parlais de la classification des arts. Alors, dites-nous, puisque vous nous avez bien alerté sur le statut particulier de ces textes qui composent l'esthétique de Hegel, vous dites que c'est une philosophie de l'art, c'est pas simplement une esthétique générale. Est-ce qu'on retrouve cette classification que l'on cite souvent à propos de Hegel dans sa philosophie de l'art? Il y a l'art antique, l'art grec, l'art égyptien, l'art grec et l'art romantique. Oui. Un progrès, quand même, il y a cette idée de progrès qui est très surprenante. Oui, il y a tout à fait. Alors ces termes, donc ça s'appelle art symbolique. Le premier, il dit art symbolique, le deuxième, art classique, et le troisième, art romantique. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est une terminologie un peu malheureuse, parce que très inégale. Si vous dites art symbolique, vous comprenez tout de suite, ça part du symbole. Mmh. C'est une structure, n'est-ce pas? Il n'a pas dit art égyptien, il a dit art symbolique. Donc, il caractérise cet art par une structure. C'est un art qui est basé sur la structure du symbole. Le deuxième s'appelle art classique. Là, le terme classique, il n'explique rien. Enfin, il dit, au fond, une époque à laquelle on pense, n'est-ce pas? Peut-être il exprime aussi un jugement de valeur à la limite. Mais vous avez bien entendu ce que j'en pense de ces jugements de valeur. Je pense que ça ne sert à rien dans une théorie descriptive d'abord. Donc, le terme art classique n'est pas très heureux. Le terme art romantique, il n'est pas beaucoup mieux. C'est en fait l'art romantique à l'époque de Hegel, ça voulait pas dire romantisme comme on l'entend aujourd'hui, ça voulait dire art médiéval, chrétien, hein, en gros. Mais vous voyez bien que le terme romantique, il n'explique pas de quoi il s'agit. Voilà. Or, si on veut donner une description plus structurelle des trois formes de l'art, à partir d'une théorie des effets performatifs du signe, on obtient une terminologie un peu différente. Donc, j'expliquerai les trois termes ainsi. L'art symbolique, donc, c'est un art qui est basé sur le symbole. Ça veut dire, il est basé sur une inadéquation entre la chose, l'objet artistique, l'artefact, et son sens. L'inadéquation, pourquoi? Parce que le symbole est inégal à ce qu'il exprime. Il y a un hiatus entre le signe et la chose. Et cet hiatus, selon Hegel, est essentiel dans une certaine époque de l'art, dans un certain type d'art, dont l'architecture. Très intéressant. Deuxième moment, l'art classique. Eh bien, l'art classique, je l'appellerais, je crois, en un mot, on pourrait dire, c'est l'art iconique. C'est l'art qui est basé sur le paradigme de l'image. Pourquoi? Parce que, tout simplement, l'image, contrairement au symbole, est transparente. L'image... Vous êtes devant une image, vous n'avez pas à apprendre la langue, n'est-ce pas, que par cette image. L'image se comprend comme ça. Intuitivement, elle est transparente. Ce qui est certainement un petit peu exagéré, mais pour l'instant, je prenons juste un exemple. La statue grecque. Voilà, la statue grecque, d'ailleurs, c'est l'exemple phare de Hegel. N'est-ce pas? Il dit, voilà, les statues, vous voyez une figure de Dieu. Si vous comparez, par exemple, la figure de l'Apollon de Belvédère, un bel homme nu, qui est dans un geste avec une certaine tension, etc. C'est expressif, n'est-ce pas? Vous n'avez pas à apprendre le grec pour comprendre ce qui se passe. Or, si vous comparez ça à une pyramide égyptienne, ma foi, la pyramide égyptienne, c'est un très grand caillou dans le paysage. Et franchement, quand on est devant, on ne sait pas ce que ça veut dire, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui refuse, qui est dans le refus du sens. Et ça, c'est la différence entre quelque chose, une œuvre symbolique, et une œuvre que j'appellerais maintenant, non pas classique, mais iconique. n'est-ce pas, une œuvre qui est basée sur cette structure, c'est une autre structure du signe. La troisième, c'est la plus compliquée peut-être ou la plus bizarre, la troisième forme, la forme, et là il faudrait un discours un peu plus long, la forme romantique, moi je dis, là Hegel aborde une strate de la sémiotique, c'est-à-dire de la science du signe, qui n'a pas encore été relevé suffisamment. Ici, nous sommes sur le plan de ce que moi j'appellerais les fonctions deictiques. C'est quelque chose... En fait, la théorie abstraite de cette partie-là, Hegel l'expose le mieux dans sa partie sur la musique. Mmh. Et c'est très drôle parce que il connaît rien à la musique. Il est ignorant. D'ailleurs, il le dit. Il dit que, voilà, il est un peu ignorant, il va quand même tenter, etc., de dire quelque chose sur la musique. Et c'est dans cette partie-là qu'il élabore je dirais, évidemment, seulement le germe, le début d'une théorie des fonctions déictiques. Alors là, je vous dis deux mots. Qu'est-ce que ça veut dire, déictique? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, déictique, ça veut dire, c'est lié à la fonction de la démonstration, quelque chose qu'on peut montrer. Ce sont des fonctions qu'on peut montrer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le plus facile à expliquer avec la musique, en effet. Comment on constitue du sens en musique? Alors, la musique, ça peut servir de symbole, certainement, mais c'est évidemment pas la partie principale pour la musique. Deuxièmement, la musique peut-être faire image de temps en temps, je sais pas, avec Debussy, ça peut-être faire un petit peu image, mais franchement, ça décrit pas l'essence de la musique. Si vous voulez comprendre la musique, il faut comprendre les fonctions musicales, c'est-à-dire la façon dont un son et un autre son vont ensemble. Et ça se décrit d'une façon technique, n'est-ce pas, en théorie musicale. On a des moyens pour décrire des mouvements harmoniques, par exemple, et c'est difficile pour le faire bien. Ça peut être trivial et ça peut être pas trivial du tout, une description fonctionnelle de la musique. Mais vous voyez maintenant la fonction, et moi j'appelle ça une fonction déictique parce que c'est une fonction qu'il faut écouter ou voir ici et maintenant. C'est pas une chose qu'on peut décrire de façon abstraite et apprendre par cœur, mais c'est quelque chose qui est toujours en mouvement et qui est événementiel, ici et maintenant. Donc c'est une fonction qu'on montre. Donc ces fonctions déictiques, c'est une strate qui fait partie de la construction du sens et qui est absolument fondamentale pour le monde de l'art dans son ensemble, évidemment. Mais le paradigme le plus saillant, c'est la musique. Et Hegel, dans son esthétique, il le construit comme ça, n'est-ce pas? Il y a les trois formes de l'art, la forme symbolique, c'est plutôt l'architecture et c'est plutôt l'art très ancien. La forme classique, c'est-à-dire la forme iconique, elle est plutôt liée à la sculpture, à l'image. Et la forme que j'appellerais maintenant donc fonctionnelle ou deictico-fonctionnelle, et celle que Hegel appelle romantique, eh bien elle est exprimée par excellence dans la peinture puis dans la musique. Et la poésie, elle se place un peu au-delà de ça. Hegel la considère d'une certaine façon comme l'art universel. Et ça peut se justifier par le sens vraiment du mot poésie. Hein. La poésie, la poiesis, c'est l'art de fabriquer des œuvres. En fait, c'est l'art tout court. Mais il y a l'idée dans cette classification qui est aussi une hiérarchie. Enfin, on va y revenir. Hein. Vous dites qu'il n'y a pas vraiment de jugement, c'est une description, mais il y a quand même une hiérarchie implicite, il me semble, entre ces arts. Il y a l'idée d'un affranchissement de la matière par l'esprit. L'idée est qu'à mesure que l'histoire de l'art avance, l'esprit se saisit de la matière et s'en élève, si bien que la musique et la poésie ont ceci de particulier et de valorisé en tout cas par Hegel, qu'elles se tiennent plus loin de la matière que l'architecture qui est encore empêtrée dans la pierre. Oui, oui, c'est aussi une information de surface qui est dans le texte. Hein. Tout à fait, mais c'est secondaire. En fait, je dirais même pas que c'est secondaire, mais si on veut l'utiliser sur le plan du travail philosophique sur l'art, évidemment, il faut en extraire le sens vraiment dur. Parce que vous voyez dire que l'architecture est plus liée à la matière que la peinture, par exemple, d'une certaine façon, c'est du non-sens aussi. Parce que la peinture, franchement, elle est tout à fait liée à la matière. Par rapport à la poésie, ça frappe plus. C'est-à-dire que la poésie est plus immatérielle que l'architecture. Bon, alors on pourrait peut-être dire que la poésie est plus immatérielle que l'architecture, si on veut. Mais même la poésie, je crois qu'elle a du mal à s'affranchir de la matière. Et d'ailleurs, d'une façon extrêmement massive, c'est que la poésie, c'est du son, c'est-à-dire on lit les textes, il faut les écouter, et c'est aussi de l'écrit. Et d'ailleurs, je pense qu'on a encore pas mal de découvertes à faire. Par exemple, quand vous écrivez une poésie avec des lettres latines, la forme visible de ces lettres, le nombre de ces lettres, la figure de ces lettres, ça a des effets de sens très très massifs qui sont essentiels pour la poésie. Donc ce n'est pas ce que dit Hegel. Alors ici, oui, tout à fait. D'une certaine façon, je semble contredire Hegel, mais si on veut revenir à Hegel, on peut par exemple commencer à se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que la matière. Qu'est-ce qu'il entend par matière quand il dit et le terme matière, il a un sens technique chez Hegel que vous pouvez trouver dans l'encyclopédie, dans la philosophie de la nature. Et là, vous vous rendez compte, ce qu'il raconte sur la matière, c'est absolument déroutant. Il dit que la matière, c'est une fonction du mouvement et du rapport entre le temps et l'espace. C'est Hegel, hein. J'y peux rien. Enfin, c'est pas de ma faute. C'est vrai qu'on a du mal à raconter ça. On se rend pas compte à quel point c'est plus clair, ça c'est sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez raison de dire qu'on ne peut pas comprendre ces textes-là sans les inscrire dans la philosophie de Hegel, dans ce qu'on appelle son système, et se doit de comprendre les termes clés. Celui de matière est indispensable. Simplement, on ne le comprend pas vraiment mieux avec la définition que vous venez de donner. Oui, ça c'est clair, mais c'est une définition, si vous voulez, il y a des collègues qui ont essayé de la mettre en rapport à la théorie de la relativité einsteinienne. Vous savez, l'idée de définir la matière à partir du mouvement et du rapport spatio-temporel, c'est Hegel dit qu'en fait, la matière est une fonction de ses idéalités, de l'idéalité de l'espace et du temps. C'est très, très, je dirais, ça donne un peu le vertige, n'est-ce pas, de penser la matière comme une fonction lié à l'espace et au temps et au mouvement. Comme si dans la matière, il n'y avait rien de sensible, donc, y a plus rien. Voilà, il n'y a plus rien dans la matière. C'est-à-dire, Hegel n'a aucune, il n'a pas d'illusion sur l'ontologie de la matière. Nous, aujourd'hui, on est très, très naïfs. Souvent, on pense que la matière, ça existe. Vous voyez? Alors que, franchement, il n'y a aucun scientifique, physicien, par exemple, qui dirait ça, tout simplement. La matière, ça existe. Ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? C'est quoi la matière? Mais non, c'est... Et pour Hegel, c'est clair, l'idée que la matière, ça existe, que ça, c'est là, etc., c'est une triviale, c'est une niaiserie. Mais c'est l'expérience contredit ce constat. Je veux dire, nous avons une expérience. Nous trompons quand on fait l'expérience, quand on touche quelque chose, on se trompe. En fait, non, on ne se trompe pas du tout, on touche quelque chose, sauf qu'on ne touche pas de la matière. Vous voyez, ce qu'on toucher quelque chose, c'est un événement très très complexe et qu'on peut essayer de décrire, etc. Mais ça ne veut pas dire que la matière, c'est quelque chose qui est là et qui existe en soi, ce qui serait vraiment une ontologie antédiluvienne, qui n'a vraiment aucun sens pour un scientifique aujourd'hui. Vous savez, la matière, elle est toute vide, il y a que des ondes, il y a des champs magnétiques, mais il y a pas de... voilà. Oui, et après tout, le terme même de matière, c'est peut-être juste au terme qu'on conteste une réalité. Peut-être qu'on peut lui en substituer un autre. Il faut en substituer un autre, mais quand on change les termes, la chose n'est plus la même non plus. Hein. Mais est-ce que c'est faux de dire que ce qui intéresse Hegel dans sa philosophie esthétique incluse, mais pas seulement, c'est quand même ce progrès de l'esprit, le cheminement de l'esprit vers ce qu'il appelle l'absolu, et qui a besoin pour cela à la fois d'incorporer et de dépasser ce qu'on appelle maladroitement la matière? Est-ce que c'est un contresens que de dire les choses ainsi? Non, ça, c'est pas un contresens. On peut, mais il faut se demander vraiment à quoi ça sert. C'est-à-dire, par exemple, dans ce que vous dites, il y a la dimension de la téléologie, n'est-ce pas? C'est de téléologie, ça veut dire c'est la science des buts ou des fins, là où ça va, n'est-ce pas? Et on suppose souvent que Hegel connaissait ce but. N'est-ce pas, qu'il savait où il fallait en venir, etc. Alors ça, c'est pas vrai qu'il connaissait pas ce but et il le prétend pas, mais il a une conception de la téléologie. D'avoir des buts. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des buts? Et ça sert quand même à quelque chose d'avoir des buts. Je dirais même rien que dans le monde réel politique, n'est-ce pas? Il faut avoir des buts. Il faut savoir où on veut aller. Sinon, ça se passe comme ça se passe. Ça a un sens, c'est-à-dire quand vous voulez établir un discours raisonnable, il y a toujours une dimension téléologique, une dimension liée au but. Et ça c'est vrai, il y a une théorie de ça chez Hegel, et ça qui est liée à l'art, à la religion et à la philosophie. Mais dire que le but, c'est par exemple de réaliser l'idée absolue, vous sentez bien que ça ne veut rien dire. Parce qu'il faudrait savoir ce que c'est que l'idée absolue. Mais peut-être que Hegel le sait. Oui, mais comme je vous disais, l'idée absolue, c'est la méthode. En fait, la philosophie, c'est, je crois souvent les gens ils pensent que la philosophie, c'est une science qui prétend avoir des réponses faciles, alors qu'elle n'en a pas du tout. Alors pas la philosophie en général, mais une philosophie qui se présente comme systématique, qui est ordonnée, qui est quasiment hiérarchisée, qui définit tous les termes qu'elle emploie, on se dit que oui, il y a peut-être une chance que celle-ci se propose quelque chose qui soit rationnel. Oui. C'est ce que dit Hegel, ce qui est réel est rationnel, ce qui est rationnel est réel. Oui. Le réel n'est pas fou pour Hegel, il est compréhensible, il est saisi ça par la raison, donc on s'attend quand même à ce qu'il nous délivre quelque chose. Oui. Et c'est ce qu'il mais fait. Mais non. Ah bon. Je trouve que c'est ce qu'il fait, c'est même prodigieux. Par exemple, il nous a délivré une théorie du musée. Tout à l'heure, vous voyez ? Est-ce que c'est lui qui le dit ou est-ce que c'est vous qui en tirez une théorie du musée ? Écoutez, évidemment, je développe dessus, mais il le dit. Hein. Il part du musée, dans le texte de la phénoménologie qu'on n'a pas lu finalement. Vous pouvez, alors on a encore quelques minutes si vous voulez faire transmettre ce texte auquel vous tenez, qui est un passage sur l'esthétique qu'on trouve dans la phénoménologie de l'esprit. Oui, pourquoi pas, on peut le lire. C'est un texte où il est question de la fin de l'art et en même temps du musée. Et d'une façon très dialectique, très intelligente, d'où vous pouvez tirer une théorie du musée. Ouais. Alors, je le lis. Lisez-le rapide, en quelques lignes, oui. Les statues sont maintenant des cadavres dont l'âme animatrice s'est enfuie. Les hymnes sont des mots que la foi a quittés. Les tables des dieux sont sans la nourriture et le breuvage spirituel, et les jeux et les fêtes ne restituent plus à la conscience la bienheureuse unité d'elle-même avec l'essence. Ici, il parle donc du déracinement de l'art ancien, ce qui n'a plus de fonction. Et je saute un petit peu. Les œuvres sont désormais ce qu'elles sont pour nous, de beaux fruits détachés de l'arbre, un destin amical nous les a offertes, comme une jeune fille présente ses fruits. Il n'y a plus la vie effective de leur être là, ni l'arbre qui les porta, ni la terre, ni les éléments qui constituaient leur substance, ni le climat qui faisait leur déterminabilité. Je saute encore. Ainsi, le destin ne nous livre pas avec les œuvres de cet art, leur monde, le printemps et l'été de la vie éthique. Tout ça, c'est fini. Je saute encore. Notre opération, quand nous jouissons de ces œuvres, n'est donc plus celle du culte divin, grâce à laquelle notre conscience atteindrait sa vérité parfaite, qui la comblerait. C'est fini, il n'y a plus ce rapport de cultuel authentique avec les œuvres, mais... Elle est l'opération extérieure qui purifie ses fruits de quelques gouttes de pluie, de quelques grains de poussière, et à la place des éléments intérieurs de l'effectivité éthique qui les environnait, les engendrait, leur donnait l'esprit, établit l'armature interminable des éléments morts de leur existence extérieure, le langage, l'élément de l'histoire, etc. Voilà, et ici il part du musée. D'accord. N'est-ce pas ? Donc ceux qui enlèvent les poussières, etc., ce sont les conservateurs qui font ça. Et c'est quelque chose de mort, n'est-ce pas ? Et néanmoins, comme on a dit au début, c'est vrai qu'il y a, il y a un côté comme ça dans le musée, il faut le reconnaître, c'est ça. Et néanmoins, ça peut être quand même vivant. Et c'est une vie pourtant sur un autre niveau, c'est quelque chose qui est dorénavant de l'ordre du passé, qui existe comme avenir même, comme présent, et comme avenir, comme demande dans notre société, comme hétérotopie structurelle. Dans notre société et qui voilà, vous avez une théorie du musée. Et ça par exemple, c'est un élément positif, enfin là, mais ça c'est pas réponse à tout, c'est autre chose. Vous dites, c'est une vraie théorie. C'est une théorie qui justifie de travailler sur Hegel encore aujourd'hui, c'est ça, de montrer qu'il est Oui, absolument. C'est ce que disait Merleau-Ponty, c'est resté assez vrai. Hegel est à l'origine de tout ce qui s'est fait de grand en philosophie depuis un siècle. Mais c'est assez, oui, maintenant il faut dire depuis deux siècles. Mais à vous pensez, il y a personne aussi grand que Hegel depuis Hegel. Non, mais c'est un auteur qui fait vraiment une référence très très très présente jusqu'à aujourd'hui. Oui, ça c'est sûr. Non, mais et pourtant, on n'arrête pas d'insister sur la difficulté de son texte, ou même sur ses contradictions, sur l'aspect systématique qui pourtant ne propose pas forcément de réponse. Comment vous expliquez cette pérennité ? Qu'est-ce qu'a dit Hegel que personne d'autre n'a dit et qui justifie qu'il ait ce statut-là aujourd'hui ? Il a inventé une logique dialectique et une théorie de la production des objets symboliques dans son esthétique, par exemple. Ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, c'est ces types de formation de sens avec une analyse très détaillée. Par exemple, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais comment naît la mort comme effet de signifiant, de signe? Comment nous avons cette approche? Comment on peut approcher la mort grâce à une activité signifiante? Eh bien, c'est quelque chose qui s'élabore dans l'architecture tombale. Égyptienne. Égyptienne, oui. Chez Hegel, il y a une théorie sur les... Dans la théorie des pyramides, il explique comment une expérience de la mort naît à partir d'une activité symbolique. Et comment ça naît? Ben, en un mot, n'est-ce pas, vous arrivez devant ce caillou qui est une pyramide, il n'y a pas de porte. C'est-à-dire, il y a un refus radical. Et ce refus radical, c'est ce qui définit, en fait, l'objet qui s'appelle la mort. C'est que la mort, c'est le refus d'accès le plus radical possible, n'est-ce pas, à l'autre. Celui qui est mort, vous n'y accéderez plus. Il y a un geste de négation radicale là-dedans. Et cette négation radicale, bon, il faudrait l'expliquer un peu plus longuement, c'est une production symbolique. C'est quelque chose à quoi nous avons accès parce que il peut y avoir une promesse de sens, n'est-ce pas? La pyramide promet un sens et ensuite elle le retire. Elle refuse la porte. Du sphinx aux pyramides, effectivement, le texte qu'on n'a pas eu le temps d'entendre, on le mettra en ligne sur le site des chemins et on se quitte. Eh bien, en restant en Égypte avec vous, Bruno Haas. De Hegel au Bengal, c'est sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Pour votre actualité philosophique, aujourd'hui, vous avez un programme bien chargé. Proust, Baudelaire et Nerval. Bah oui, carrément, grâce à Nathalie Quintane et son livre Ultra Proust, sous-titre une lecture de Proust, Baudelaire, Nerval, paru aux éditions La Fabrique. Alors j'hésite à dire que ce petit livre est passionnant puisque tout le propos part de là, notre manie à rendre populaires des chefs-d'œuvre de la littérature, à les rendre passionnants ou charmants comme l'aurait dit Sainte-Beuve en son temps de Baudelaire et Nerval. Mais comment parler des livres que nous avons aimés comme tout le monde les a aimés, sans les aimer pour autant comme tout le monde? Il y avait déjà bien des années que de Combray, tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher n'existait plus pour moi. Quand un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusais d'abord, et je ne sais pourquoi, me ravisais. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus, appelés Petite Madeleine, qui semble avoir été moulé dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Alors autant mettre les pieds dans le plat, vous avez droit à la madeleine, mais ça aurait pu être « Longtemps, je me suis couché de bonheur », la haie d'aubépine, les pavés mal équarris à Guermande, tant de moments de la recherche, lus, analysés, décortiqués, adorés, que celui qui s'est mis à lire Proust sans se dire convaincu « je vais lire un chef-d'œuvre » se manifeste. Eh bien, c'est tout le problème soulevé par Nathalie Quintane dans son livre. À force de nous offrir Proust sur un plateau, on nous en prive, au point de plaider pour un « O.O. » un oubli obligatoire de Proust. Oui, comment donc l'aimer à sa manière? Comment le lire sans tomber dans l'écueil qu'il dénonçait lui-même dans son Contre Sainte-Beuve, avec une adoration collective qui fait qu'on lit du Proust, qui fait que l'on s'intéresse à sa vie comme à ces mondains qu'il tournait en dérision, qui fait qu'on l'aime comme on aime quelqu'un de bien, qui fait autrement dit qu'on ne dissocie plus l'œuvre de l'homme. On pourrait d'ailleurs se poser la question pour toute œuvre, et pas seulement littéraire, comment les aimer pour elles-mêmes? Mais d'ailleurs, est-ce vraiment possible? Je m'approchai du balcon et je me saisis d'un petit pot de fleurs. Et quand l'homme reparut au débouché de la porte, je laissai tomber perpendiculairement mon engin de guerre sur le rebord postérieur de ses crochets. Et le choc le renversant, il acheva de briser sous son dos toute sa pauvre fortune ambulatoire qui rendit le bruit éclatant d'un palais de cristal crevé par la foudre. Et ivre de ma folie, je lui criai furieusement « La vie en beau ! La vie en beau !» Et oui, encore lui, alors pas Proust, mais André Duciolier, qui lit cette fois-ci « Le mauvais vitrier » de Baudelaire. Dans « Contre Sainte-Beuve », repris partiellement à la fin du livre de Nathalie Quintane, Proust expose la méthode du fameux critique littéraire, puis s'attache à Gérard de Nerval et donc à Charles Baudelaire. Provoquant, irrévérencieux, mécontemporain, on s'arrache les cheveux à allier chez Baudelaire sa politique antimoderne avec sa modernité poétique. On veut faire tenir dans la troisième partie de sa dissertation ou dans une conversation élevée un bon bilan, un jugement pondéré, éclairé, pertinent sur les paradoxes du poète. Mais après tout, pourquoi? Pourquoi vouloir tout faire tenir ensemble? Pourquoi vouloir bien parler d'un auteur et de son œuvre, ne pas faire d'erreur, ne pas dire de bêtises? Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte, et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le Posilipe et la mer d'Italie, la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, et la treille où le pampre à la rose s'allie. Pourquoi lire Proust? Comment aimer Proust? Pourquoi et comment célébrer la modernité antimoderne de Baudelaire? Comment lire une poésie de Nerval sans proférer? Ici, ce n'est pas André Dissolier, mais Michel Bouquet. Au fond, eh bien, ce sont les mêmes questions. La pression à lire conformément des auteurs. Mais comme je le demandais, est-il possible d'aimer et avant cela de lire un auteur à sa manière? Alors Nathalie Quintane, entre l'adoration collective d'un auteur et l'enfermement dans son texte, plaide pour une lecture politique qui dérange et repère ce que dérange un texte dans nos habitudes. Mais moi, je pose cette question. Une telle lecture, libérée de tout ce qui s'est dit, affranchie du conformisme, de l'habitude, est-elle vraiment possible? Qu'est-ce qui va m'assurer qu'on ne me sautera pas dessus si je dis soit que j'en ai marre de Proust, soit que je n'arrive pas à repérer ce qui dérange dans la recherche? Les livres eux-mêmes peuvent-ils donc m'y aider? Merci Géraldine. Donc le livre que vous conseillez de lire est de Nathalie Quintane. Ultra Proust, une lecture de Proust, Baudelaire, Nerval, c'est paru aux éditions La Fabrique. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Et merci à vous Bruno Haas d'avoir participé à cette émission, d'être resté jusqu'au bout. Et on est très en retard, mais j'en profite quand même pour annoncer que vous êtes l'auteur de plusieurs livres, dont certains en français qui cherchent encore des éditeurs, hein, les situations iconiques, ainsi qu'un livre sur le beau et ses traductions consacré à l'Hippias majeur de Platon. On mettra toutes ces références en ligne sur le site du journal de la philo. Et merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Isis Jourda, Maude Markiewicz, David Pargamin, Marianne Chassor, Marie Aubert, Milena Hellig, Clément Daté, qui était à la prise de son aujourd'hui, Georges Clès à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur Hegel. Demain, ce sera le professeur de philosophie Olivier Tinlande qui viendra vous parler de la dialectique du maître et de l'esclave. On la sert un toutes les sauces et on ne la comprend jamais vraiment très bien. Et bien, à partir de demain, ce ne sera plus le cas. Vous comprendrez cette dialectique grâce à Olivier Tinlande. Rendez-vous demain à 10h donc. Mais d'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture, à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez la réécouter en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez.